Quand je vais chercher mes enfants au centre aéré le soir, et ben c'est Blockbuster à la radio. Avec l'émission d'Elton John, qui était quand même hyper intéressante et où je me suis rendu compte qu'il avait accompagné toute ma vie, des mots ont été utilisés tels que Ken. Comment je fais moi maintenant pour expliquer à mes enfants de 7 et 5 ans ce que ça veut dire Ken, quelqu'un? Je vous dis pas merci, France Inter. Je vous dis pas merci. Salut Blockbuster, alors je viens de rattraper l'épisode sur Bruce Lee et vous avez changé à jamais ma perception de cet acteur. Bruce Lee, prof de cha-cha, c'est au-delà de l'imaginable en fait. Et du coup, ça changera complètement la manière dont j'appréhenderai quelqu'un si on me dit j'ai été l'élève de Bruce Lee. Forcément, j'imaginerai cette personne en petite tenue satinée moulante en train de dandiner des fesses sur du cha-cha, quoi. Magique. Merci pour l'émission de Sir Elton John qui était vraiment une super émission avec des animateurs, journalistes, Tony Truant et surtout hors de contrôle, fans, des vrais fans. C'était vraiment agréable et ça faisait plaisir à écouter. Ciao. Salut Fred, c'est Jean-Pierre, le vieux con de Marseille. Pour te dire que moi j'écoute Kate Bush depuis 1979, que je comprends pas là tous ces gamins là qui découvrent ça maintenant, tu vois. En fait, je déconne, mais tu sais. À l'époque, moi, ceux qui connaissaient Kate Bush depuis 78, ils se foutaient de moi qui venais de le découvrir en 79. Donc ça n'a pas changé, en fait. Hein. Allez, salut. To be or not to be, not to be. Vous vous êtes déjà demandé quel super pouvoir vous aimeriez avoir? La plupart des gens disent être invisible. Alors ça, c'est facile à avoir comme pouvoir. Tu touches le SMIC à Paris et personne te voit. Ensuite, tu as ceux qui voudraient pouvoir voler. Moi, ça m'angoisse. Déjà que j'ai le vertige. Ensuite, j'aurais en permanence peur que mes pouvoirs me lâchent en plein ciel. Moi, je volerais qu'à un mètre au-dessus du sol, on sait jamais. Il y a le pouvoir de lire dans les pensées des autres. Ça aussi, c'est une très mauvaise idée. Twitter existe déjà et quand je vois ce que certains écrivent, je ne veux pas savoir ce qu'ils pensent. La télétransportation, ça a pas mal de succès. Mais moi, l'idée de réapparaître à l'autre bout du monde, dans un mur, dans quelqu'un, ou de fusionner avec une mouche qui aurait fait le voyage avec moi, je suis pas chaud. Jeff Goldblum, qui mange dans la mouche de David Cronenberg, m'a bien guéri. Donc après mûre réflexion, le pouvoir qui me ferait vraiment envie, c'est celui de guérir les gens. Mais vraiment les guérir, hein, physiquement comme mentalement. Plus de maladies, plus de souvenirs douloureux ou de traumas qu'on se traîne depuis l'enfance. Alors pas par altruisme, attention, hein, non, je suis pas quelqu'un de bien. Mais par confort personnel. Car je suis convaincu qu'un être humain véritablement bien dans son corps et bien dans sa tête, c'est un être humain qui fout la paix aux autres. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Loin d'ici, à des millions de kilomètres, plus loin que tu ne peux l'imaginer, il y a une planète, Viltrum. C'est une magnifique oasis bleue au cœur d'un système solaire équivalent au nôtre. Je suis né sur cette planète. Les Viltrumites ressemblent beaucoup aux humains, sauf qu'ils ont la faculté de voler, de se déplacer à grande vitesse, et ils ont une plus grande force physique. Quand notre peuple a atteint sa maturité, certains ont quitté Viltrum pour parcourir la galaxie et se servir de leur pouvoir pour aider les autres peuples moins développés. J'ai postulé pour m'installer sur Terre et devenir le protecteur de cette planète. C'est là que j'ai rencontré ta mère. Tu es à moitié Viltrumite, mon fils. Et quand tu vas grandir, tu vas voir que les choses vont évoluer et que ton corps va énormément changer quand tu vas entrer dans la puberté. Tu vas avoir de l'acné, ta voix va muer en faisant tout un tas de dérapages qui font mal aux oreilles, tu vas voir pousser les poils dans des endroits que tu ne soupçonnes pas encore. Et surtout, à la différence des autres garçons, tu vas développer des super pouvoirs. Tout comme les miens. En 2002, Robert Kirkman, Corey Walker, Bill Crabtree et Ryan Utley inventent Invincible pour la maison d'édition Image Comics. L'histoire de Mark Grayson, un adolescent dont le père Omni-Man est le super-héros le plus puissant de la planète. À partir d'un postulat aussi simple, Robert Kirkman, le créateur du comic book Walking Dead, a composé une saga qui a tout simplement su retrouver la fraîcheur et le dynamisme des comic books de l'âge d'or, avec une dose d'irrévérence et de modernité plus contemporaine. Pour revenir sur une des plus récentes réussites de bande dessinée de super-héros, j'ai avec moi Arnaud Tomassini, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé comics, rédacteur en chef du site d'actualité comicsblog.fr et créateur et animateur des podcasts First Print et The Pulse, dédiés aux comics et au journalisme culturel. C'est ça, merci de me recevoir encore une fois, Fred. votre avis. Avec nous également Arnold Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur et journaliste pour le site Écran Large et par ailleurs très fan d'Invincible. Absolument, merci. Et de retour également, Thierry Mornay, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes responsable éditorial comic book aux éditions Delcourt, mais aussi auteur de deux ouvrages de référence, Comics, les indispensables de la BD américaine aux éditions Huggin & Munning, et Super-O, la grande aventure du magazine Mustang chez Black & White. Et enfin, vous avez créé et scénarisé Cocorico, le garde républicain, une série de super-héros français édité chez Hexagon Comics. Tout à fait. Vous avez l'équipe, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Avant, c'était toi et moi, et à côté, il y avait ce monde délirant que ton père passait son temps à sauver. Aujourd'hui, c'est toi et lui. Et à côté, ta mère qui n'a aucun pouvoir. Maman. Oh, ça va, chérie, c'est comme ça, c'est logique au fond. Il faut que tu prennes tes distances avec moi et cette vie normale que j'essayais de t'apporter. Maintenant, il faut que tu vives comme ton père. Ouais, mais justement, c'est ça le problème. Papa et moi, on est différents. Je suis plus comme toi, en fait. J'ai rien de spécial. Eh, ça c'était bas. Tu trouves que ta mère est si nulle que ça? Non, arrête, tu sais ce que je veux dire. Avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, comment je peux espérer arriver à son niveau? Qui a dit que tu le devais? Tu n'as pas besoin d'être le plus grand omniman de l'univers. Il te suffit d'être le plus grand toi, et tu verras que ça suffira. Un extrait de la série animée Invincible diffusée sur Amazon Prime et vous avez entendu Benoît Dupac qui interprète dans la version française Mark Grayson, Invincible, et vous avez également entendu Brigitte Aubry qui interprète dans la version française Debbie Grayson, sa mère. Alors première question, Arnaud Tomassini, avant qu'on développe véritablement autour d'Invincible, quel était le paysage des comic books à ce moment-là quand Robert Kirkman et Cory Walker créent Invincible? Alors de ce qu'il a dit dans des interviews qu'il a livrées depuis, en fait, c'est que Image Comics, à l'époque, qui existait quand même depuis une bonne dizaine d'années, en fait, était en mal de produire des comics de super-héros, parce qu'il y avait beaucoup d'autres titres en creator-owned qui s'étaient, voilà, qui avaient fait le fleuron des comics indépendants, mais en fait, ce qui leur manquait, c'était vraiment du nouveau, d'avoir du super-héros, donc au début des années 2000. Et ils avaient demandé à Robert Kirkman, donc, de pitcher des idées de comics. Ils étaient à bord venus avec un comic book qui s'appelle Science Dog, qui était donc en fait ben un chien doté de super capacités qui devait faire des enquêtes, et sauf que Eric Stephenson leur a dit à l'époque que non, en fait ça allait sûrement pas se vendre, que personne. Eric Stephenson qui est le directeur de publication d'Image Comics, et qui leur a dit en fait que très certainement personne n'aimait les chiens qui parlent et donc que ça allait pas se vendre, et donc ensuite ils sont, ça c'est fou, hein, c'est totalement ce qui est complètement faux évidemment, et donc ils sont venus après pitcher de nouveau du super-héros, parce que Robert Kirkman c'est quelqu'un qui a toujours aimé ça, qui a toujours été bercé par les super-héros et qui était notamment fan de Spider-Man et d'Ultimate Spider-Man, et donc en fait c'est en puisant tout ce qu'ils aimaient avec Cory Walker de ce qu'ils aimaient du super-héros qu'ils sont venus en fait à faire cette série avec une idée particulière qui arrivera très tôt dans le comics, en fait, qui va faire en sorte que Invincible en fait va se démarquer de ce qu'est le comics de super-héros. Thierry Mornay, alors je sais que vous suiviez de très très près ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là, en tant que responsable éditorial de Delcourt, et à quel moment vous vous êtes dit, concernant Invincible, oh là, on tient une petite pépite? En fait, ça remonte un petit peu même avant l'aventure, le début de l'aventure chez Delcourt, puisque j'étais à l'époque éditeur chez Semic, qui était le... qui travaillait en fait sur les ruines fumantes de ce qu'étaient les éditions Lug, éditeur de Strange, Titan et Nova. Et effectivement, au début des années 2000, c'était Jim Valentino, avec qui j'étais en relation, qui pilotait Image et qui a donné l'impulsion pour le lancement d'un certain nombre de séries de super-héros. On peut citer Venture, on peut citer Noble Causes, Firebreather, qui étaient d'autres séries de comics comme ça. Et au milieu effectivement de cela, il y en avait une qui était marquée assez aisément et qui était Invincible de Kirkman. Il faut dire que Kirkman grenouillait déjà pas mal au sein d'Image Comics, en collaboration notamment avec Eric Larsen, qui est un de ses modèles. Créateur de Savage Dragon, qu'on avait connu en tant que dessinateur sur Spider-Man. Entre autres, voilà, juste dans la foulée de Todd McFarlane, Spawn, le créateur de Spawn. Exact, et justement, Kirkman avait d'ailleurs commencé à travailler aussi avec Cory Walker sur des personnages secondaires de l'univers de Savage Dragon, et puis ils sont arrivés effectivement avec Invincible. Et moi, ça m'a tapé dans l'œil en même temps d'ailleurs que Walking Dead, une autre petite série de ce jeune scénariste. Je crois que c'est une série de Roadrunner, non? C'est ça. Oui, c'est ça, oui. et ils font de la randonnée et puis ça se passe pas ça bien. Ça se passe enfin, pas bref, très bien au final. Arnold de Petit, si jamais on devait vraiment définir le style de scénariste qu'est Robert Kirkman, comment vous résumeriez son style? Alors Robert Kirkman, pour le coup, en tout cas dans le cas d'Invincible, ce qui est vraiment très fort, c'est qu'il a récupéré véritablement tous les composants en fait du comics de super-héros traditionnel qu'on connaît, avec typiquement cette idée de fils de Superman. Voilà, Omni-Man véritablement s'apparente à un Superman avec une moustache. Avec une moustache, bien évidemment. Freddie Mercury aurait fait du bodybuilding. C'est une très bonne description. Magnum. Et en fait, à chaque fois, donc il récupère et il puise dans l'imaginaire effectivement du super-héros, mais pour à chaque fois en détourner les codes et sans cesse renouveler en fait son titre et son histoire. Il a plus ou moins fait la même chose avec The Walking Dead, en récupérant la figure du zombie et en l'amenant encore un peu plus loin avec une histoire très personnelle et très dramatique. Et là, en fait, il a fait strictement la même chose, plus ou moins, avec Invincible, en récupérant les super-héros qu'on connaît, en les détournant, en les parodiant et en créant un récit véritablement autour de ce fils et de ce père qui se retrouvent malgré tout opposés. Alors pour résumer à celles et ceux qui n'auraient pas encore eu le bonheur de découvrir Invincible, parce que véritablement c'est un voyage que je vous invite à entreprendre, d'autant que la série est terminé, donc c'est assez rare pour être souligné dans le monde du comic book. Donc là, il y a un début, un milieu, une fin. Comment on pourrait résumer rapidement Invincible à des gens qui l'ont pas lu? Donc on a Mark Grayson, donc qui est un lycéen, tout ce qu'il y a de plus normal, qui s'apparente presque d'ailleurs à une sorte de mélange en fait entre Spider-Man, donc Peter Parker, et Superman, même ce Clark Kent, et donc au-delà de sa vie de lycéen, donc il a des amis, il a des cours qu'il doit suivre et il développe lui aussi, comme son père, des super pouvoirs, ce qui va donc le plonger dans le monde des super-héros qu'il fantasme, bien évidemment, dont il se fait une image effectivement oui fantasmée via son père. Et la réalité va être tout autre finalement, déjà quand il va se retrouver confronté à ses premiers ennemis, quand il va devoir gérer et sa vie de lycéen et sa vie de super-héros, puis ensuite en découvrant les secrets qui entourent sa famille et même le monde des super-héros en général. Et d'ailleurs, même dans son nom, Grayson, il y a aussi évidemment un clin d'œil plus qu'appuyé à Dick Grayson, le Robin originel qui ensuite est devenu Nightwing. Tout à fait. Pour beaucoup, le plus beau fessier de DC Comics. Voilà, mais il faut le dire. Il y a aussi un public féminin qui m'a dit, attends, quand même, Nightwing, incroyable. Et c'est vrai que physiquement, il y a des similitudes entre le personnage de Mark Grayson et Richard Dick Grayson. Absolument. Physiquement, ils sont tous les deux bruns, effectivement. Ils sont tous les deux jeunes hommes. Et au niveau de la personnalité, par contre, on retrouve effectivement cette personnalité typique de Peter Parker ou des jeunes super-héros dans Mark Grayson. Mais ensuite, on a aussi effectivement donc les gardiens du globe qui sont l'équivalent d'une ligue des justiciers en fait, et qui véritablement ressemblent quasiment à la ligue des justiciers. Et on a comme ça tout un tas d'autres personnages. Il y a un équivalent d'Wonder Woman, un équivalent de Martian Manhunter, de The Flash, voilà, qui s'appelle Red Rush dans Invincible. Et on a comme ça tout un tas de personnages en fait qui sont et ou des pastiches ou des parodies ou des ersatz en fait de d'autres personnages de Marvel et de DC que tout le monde connaît, mais encore une fois, Kirkman s'amuse à les détourner et à les utiliser pour les intégrer à son histoire. Arnaud Tomassini, il y a eu pléthore de réinterprétations de super-héros, comme vient de le dire Arnold Petit, mais il y a quelque chose, c'est Kirkman et les dessinateurs qui ont travaillé avec lui, parce que c'est quand même un travail collégial, et qui en a fait quelque chose en plus. Comment on explique ça? Qu'est-ce que Kirkman et son équipe arrivent à faire que d'autres ont échoué? Mais en fait, la différence l'une des principales différences d'Invincible par rapport aux autres comics de super-héros, c'est en fait que les enjeux, enfin, il y a des vrais enjeux et il y a des conséquences et les personnages évoluent. En fait, par rapport aux super-héros qui sont quand même bloqués depuis 80 ans avec un système de statu quo, on a vu quand même que pour une majorité de personnages, les personnages, justement, n'ont pas trop évolué parce qu'il faut pas trop perturber le lecteur, parce qu'il faut attirer des nouvelles personnes tout en gardant les anciens, les vieux de la vieille. En fait, Invincible fait le pari. Autrement. C'est pas toi que je visais forcément, mais Invincible fait vraiment le pari en fait qu'il y aura une évolution des personnages, c'est-à-dire que Mark Grayson par rapport au numéro 1, au numéro 15, il ne va pas réagir forcément pareil, au numéro 50 il aura une toute autre façon de voir les choses, mais même par rapport à sa façon de penser le super-héroïsme, il y a un énorme discours en fait sur qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal et comment on fait le bien. qui permet en fait d'avoir un monde qui voilà qui est vraiment très mouvant et surtout dans lequel il y aura pas de manichéisme, c'est-à-dire qu'on peut croire au tout début de l'histoire que ça va être un gentil contre un méchant et ça va être beaucoup plus complexe que ça en fait. Et c'est ça vraiment qui fait le cœur d'Invincible par rapport aux autres comics. Ouais, mais ça se trouve d'ailleurs même dans le nom. Dans le nom d'Invincible, Mark Grayson en fait, c'est le fils gris. Il est dans une zone grise en fait. C'est jamais un personnage qui va être dans le noir ou blanc ou dans le manichéisme. Ça total, vient de m'arriver en pleine émission comme une brique dans la tête. J'avais même pas fait gaffe. Mais oui, évidemment. Oh, bien fait de vous inviter. L'adaptation en série animée d'Invincible a été qualitative. Mais elle a en plus été accompagnée par une bande-son de qualité. On écoute LPX, Might Not Make It Home. Light wash opens the sky on 79th, the glue in your eyes. Everyone is sedated, this was the strangest night of our lives. Crash in the streets. Not Make It Home de LPX dans Blockbuster sur France Inter. Donc, tout ça, c'est nouveau pour toi ? Je viens d'avoir mes pouvoirs. C'était mon premier gros combat. Ah, ok. Ceci explique cela. Mais t'inquiète, c'était pas mal pour un novice. Tu rigoles ou quoi ? J'ai été tétanisé. Des gens ont été blessés. Les gens ont eu le temps de s'échapper grâce à toi. Et on est tous pétrifiés la première fois. Moi, je me souviens, je dégueulais avant chaque combat. Je vomissais littéralement mes tripes. Sérieux ? On aurait dit une bande d'incendies. Tu vas t'y habituer. Au combat, pas au jet de vomi. En fait, c'est juste que... C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que j'aurais qu'à frapper quelques aliens et qu'ils rentreraient chez eux. C'est pas pareil qu'à la télé. Tu m'étonnes. C'était la voix de Atom Eve, interprétée en français par Marie Chevalot. Thierry Mornay, Parlons du début d'Invincible. Le premier dessinateur, c'est Cory Walker, et qui a un style, moi je sais que quand j'ai découvert le comic book à l'époque, qui m'a frappé parce que ça ressemblait absolument pas au canon de beauté de l'époque, parce qu'il y avait une ligne très claire, on était plus proche de Tintin, d'un Hergé, de n'importe qui d'autre. Absolument, ouais, c'est un graphisme vraiment atypique, surtout à l'aube des années 2000 en fait, et moi c'est un des éléments qui m'a justement attiré sur la série, cette capacité, à se situer entre une ligne claire dotée de couleurs très douces, très pastel même, en fait, parce que la colorisation a son importance dans Invincible. Et puis l'animation japonisante, on va dire, c'était un peu situé comme ça. On avait très très peu d'aplats noirs, alors que c'était une des tendances fortes issues des comics des années 90, très très grim and gritty, très très noir. Et sombre, voilà. On a des muscles avec des ombres noires. Exactement, ouais, du Batman partout. Et là, en l'occurrence, avec Cory Walker, puis avec Ryan Utley, qui, bien que dispose d'un style très différent, on est quand même sur la même famille graphique de personnes qui sont capables de donner énormément de dynamisme, de beauté. Il y a un côté très kawaii d'ailleurs au dessin de Cory Walker, tout en exprimant des choses, enfin une violence explicite qui est phénoménale, puisque on a des scènes qui sont carrément gore en fait dans Invincible. Mais ça passe extrêmement bien, c'est-à-dire que les hectolitres de sang qui sont versés par les personnages, ça passe très bien, puisque justement on a ce travail sur la couleur d'une part, et on a un graphisme qui permet de faire passer les choses très très aisément. Arnold Petit, quand vous avez découvert Invincible, est-ce que vous avez eu une préférence pour Cory Walker ou plutôt pour Ryan Utley? C'est difficile hein, comme question. Alors c'est très difficile comme question, et puis en fait on se rend compte que c'est presque véritablement deux styles assez différents, et c'est d'ailleurs même la rupture, justement le changement de dessinateur est assez flagrante. Donc moi en fait je l'ai découvert véritablement sur le tard, après avoir justement lu tous les DC et Marvel. C'est quand je me suis plongé véritablement vers les œuvres indépendantes et les autres scénaristes que j'ai découvert Invincible. Et bah effectivement, comme l'a dit Thierry, le style de Cory Walker rappelle un peu en fait les comics de l'âge d'or et de l'âge d'argent, avec ses costumes très colorés, effectivement ses couleurs un peu pétillantes et acidulées. Et ensuite, entre le numéro 7 et 8, donc on a effectivement le passage de témoin entre Cory Walker et Ryan Utley. Et alors là, tout de suite, on a de la violence, on a un trait un petit peu plus arrondi, un petit peu plus recherché aussi, beaucoup plus spectaculaire en fait. Et là effectivement, oui, Ryan Utley, il a vraiment le sens de la pleine page qui te saisit dès que tu regardes. Absolument, ouais, qui saisit comme ça pendant la lecture. Et en fait, ben on s'est rendu compte que Cory Walker continuait toujours de proposer des designs pour certains personnages et d'être impliqué dans la création véritablement d'Invincible, mais Ryan Utley a apporté cette ambiance beaucoup plus violente et cette vibe beaucoup plus gore effectivement, mais tout en conservant bien évidemment cette histoire personnelle dramatique et avec de plus en plus d'ampleur en fait dans les pages du comics pour le coup. Arnaud Tomassi, Thierry Mornay. Oui pardon, c'est là que se fait la différence majeure d'ailleurs entre Cory Walker et puis Ryan Utley, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est un narrateur extraordinaire, c'est Ryan, et Cory Walker reste un designer. D'ailleurs c'est lui qui a travaillé sur la série animée, ça ne trompe pas en fait, et il continue aujourd'hui de façon à produire un certain nombre de récits sur la fin de la série. Il est revenu pour le temps de quelques épisodes. Science Dog, c'est lui, c'est son bébé d'ailleurs, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais Ryan Utley avait aussi une capacité à produire beaucoup plus vite les épisodes. C'est ce qui justifie d'ailleurs que Cory ne soit pas resté sur la durée de la série. Et ben voilà, exactement le même phénomène. La question que j'avais posée à Arnaud. C'est le même phénomène. Sur le rythme de parution et sur l'exigence que ça amène de devoir sortir une série mensuelle. Et en plus, chez Image, on sait que mensuel, des fois ça devient bimensuel, des fois... Surtout au début, c'est plus forcément le cas, mais dans les années 90 c'était bien le cas. Mais on a eu le même phénomène en fait avec une autre série de Robert Kirkman, hein, puisque sur Walking Dead on a exactement eu le même passage de témoin entre Tony Moore, qui était pas suffisamment rapide entre guillemets, au profit de Charlie Adlar, qui lui est resté sur le restant de la série. Et Ryan Utley qui est vraiment le dessinateur star d'Invincible, qui a explosé, on l'a vu dernièrement chez Spider-Man, il est de retour sur Hulk, et puis il va sortir Vanish, sa prochaine série au mois de septembre, qui est matinée, on dirait une sorte de darkness comme ça, sur un gamin qui aurait sauvé le monde beaucoup plus tôt et qui en fait a vieilli sur ses vieilles gloires passées et qui en fait n'a plus du tout envie d'assumer ce statut de héros. Mais c'est quand même l'émergence d'une superstar dans le comic book ces dernières années avec Ryan Utley. Bah, on va pas dire le contraire, mais après, une superstar dans le milieu des gens qui lisent des comic books indés, en fait, surtout, puisque oui. C'est vrai que ça a quand même été, pour l'instant, Invincible reste la majeure partie de sa carrière, et justement, il a quand même voulu un moment arrêter aussi, ils en discutaient, parce que Kirkman le disait aussi, qu'il aurait pu continuer encore, puis qu'à un moment, en fait, il avait l'idée d'une fin, mais aussi parce que Ryan Otley lui avait dit, je voudrais pas non plus n'avoir fait que Invincible dans ma vie. Et c'est vrai qu'après, par contre, la série était beaucoup plus remarquée aux États-Unis, bah, après les 144 numéros et quelques, ce qui fait qu'il a pu être récupéré chez Marvel sur des séries de très premier plan, voilà, merci. Donc Spider-Man. Il a d'ailleurs l'air beaucoup plus à l'aise sur Hulk que sur Spider-Man. Ouais, mais parce que Spider-Man, il était avec un mauvais scénariste, on va dire. Donc, mais voilà, mais là, il est avec un monsieur qui s'appelle Donny Cates, qui est un très très bon auteur. Et il y a débat. Thierry Mornay n'est pas d'accord. Ah, il est pas d'accord. Et puis, mais pour Vanish, c'est marrant parce que dans les liens, je trouve que ça fait justement un retour un peu au style plus des années 90-2000 en fait par rapport à ce qu'il a pu faire précédemment. Donc c'est marrant de retomber sur ce genre de choses. Et il y a aussi un soin tout particulier apporté aux onomatopées et même à la conception des cases dans Invincible. Par exemple, les booms, un boom d'Invincible, juste l'onomatopée boom, on la reconnaît entre mille. Il y a quelque chose qui m'a rappelé, alors c'est peut-être moi qui délire, mais un petit peu ce que faisait aussi Eric Larson dans le traitement de ses onomatopées. Bah, à la fois Larson et puis Walt Simonson avec John Workman, oui, évidemment, exactement. Qui est un lettreur qui travaille de cette manière-là, également avec Howard Chaykin. On a vraiment l'onomatopée devient en fait un élément, une composante majeure de la construction de la page. Et ça, c'est pas toujours le cas. Généralement, c'est un petit truc qu'on va ajouter pour bruiter, pour donner une ambiance sonore, mais en arrière-plan, alors que là, véritablement, ouais, les onomatopées prennent la place, des fois, du dessin au sein de la case. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça donne une dimension, un dynamisme qu'on n'est pas forcément habitué à voir dans les séries standard Marvel et DC. Arnold Petit. Et c'est aussi quelque chose, d'ailleurs, avec Ryan Otley, on ressent véritablement dans ses dessins la puissance des personnages, en fait, à chaque coup qu'ils se donnent, qu'ils échangent, véritablement. Et c'est quelque chose qu'a très très bien retranscrit, justement, la série animée sur Amazon Prime Video. Et on parlait, justement, de la conception des cases, des pages, véritablement, d'Invincible. Et on voit que Ryan Otley a récupéré tout ce que Cory Walker avait injecté au départ. Même, effectivement, ce fait de, par exemple, reprendre certaines cases pour les mêmes pages de comics ou même réutiliser les mêmes dessins véritablement d'une case à l'autre. L'école Brian Michael Bendis, où en fait il y a juste un dialogue qui change, exact. Et c'est la même case qui bouge pas. Exactement. Et de base, en fait, ben, c'est justement ce qui était une facilité pour gagner du temps et véritablement devenu un effet de style pour marquer un silence, pour noter une expression figée justement, ou pour un effet comique ou dramatique qu'on retrouve régulièrement en fait dans les pages d'Invincible. Et c'est en fait là où on voit, comme l'expliquait Thierry, tout le travail de narration en fait qu'apporte Ryan Otley en plus du scénario déjà de Kirkman. C'est-à-dire que c'est même une chose qui est même un peu métaformulée dans la bande dessinée, puisqu'à un moment, Mark Grayson va voir un auteur de BD qui lui explique qu'il lui-même, en fait, utilise ce procédé, donc de copier-coller des cases pour gagner du temps. Et Mark lui demande, mais c'est pas de l'arnaque. Et ensuite, il y a trois cases où l'auteur réfléchit avec le même dessin et dit à la fin, non, c'est pas vrai. Et en fait, à plusieurs reprises, puisque Mark Grayson est aussi un lecteur de comics, en fait, Robert Kirkman va en profiter aussi pour justement envoyer des pics à justement ce que font les Big Two Marvel et DC dans leurs comics de super-héros, ce que lui ne fait pas. Et Bendis en particulier, oui. Nous sommes en train de parler d'Invincible, la formidable bande dessinée de Robert Kirkman, mais pour le moment, on écoute Eloi avec Divorce. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Aurore Mansip et Benjamin Ducy, avec l'aide de nos stagiaires Benjamin Woodcock et Alice Galtier. quand le jour se lève. Ouais, je reste dans des rêves tout l'été. Je tire dans la foule, je mène une guerre parfaite. Il faudrait plus que je tease apparemment, mais je peux plus jouer du présent avec discernement. Divorce des lois dans Blockbuster sur France Inter. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Fais attention, tu peux t'épuiser en volant. C'est un gros effort qui sollicite tous tes muscles. C'est pour ça que de temps en temps, il faut que tu te relâches et que tu leur permettes de se détendre. Laisse-toi porter par l'élan que tu as pris et reconstitue tes forces. Ok, c'est toujours difficile de se détendre au début, la peur de tomber prend le dessus. Dis-toi que c'est comme faire exprès de pisser dans ton froc. Hein, quoi ? Faire exprès de pisser dans son froc ? On a tous passé notre vie à essayer de ne pas pisser dans notre pantalon. Du coup, s'oublier. Pisser dans son pantalon exprès, c'est quelque chose d'impossible. Mais pourquoi tu me parles de ça ? Personne n'a envie de se pisser dessus. Je trouve que tu voles beaucoup trop bien pour un débutant. Tu t'es entraîné cette nuit, c'est ça ? C'est pour ça que t'es fatigué. Essaie pas de changer de sujet. Posons-nous ici, allons-y. On vient d'entendre la voix de Omniman, interprétée en français par Jean Barnet. Robert Kirkman a créé Walking Dead et Invincible, deux œuvres adaptées sur d'autres supports, ce qui a généré des problèmes de droit liés à la paternité de l'œuvre. Et ça, malheureusement, il y a des gens, ils n'aiment pas. On lit dans le Hollywood Reporter que William Crapty, le coloriste sur les 50 premiers numéros, dit que lui et Kirkman avaient un accord oral qui lui accordait 20% du produit de la vente unique d'Invincible et 10% de tout revenu généré par d'autres exploitations commerciales, cinématographiques ou télévisuelles de l'œuvre. Kirkman aurait faussement dit à Crabtree que les droits et les intérêts financiers lui revenant dans l'œuvre resteraient inchangés s'il signait le certificat d'auteur, que le document permettait simplement à Kirkman de commercialiser plus facilement la licence de l'œuvre, ce qui se traduirait par des bénéfices plus importants pour les deux. Mais lorsque Crabtree a appris en 2020 qu'Amazon Studios procédait à un plan de lancement d'une série, Kirkman l'a informé qu'il n'avait droit à aucun produit monétaire car il n'avait aucune participation dans la série. Crabtree, quant à lui, dit qu'il s'est vu refuser l'accès aux bénéfices liés à la série selon la plainte qui le poursuit entre autres pour fraude et rupture de contrat. Il demande un jugement selon lequel il est le co-auteur d'Invincible, un compte rendu de ce qui lui est dû et des dommages et intérêts punitifs. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'il y a déjà eu un problème du même genre sur Walking Dead, notamment quand ça a été adapté par AMC. Et je voulais savoir si, au bout d'un moment, une fois ça peut être un problème, un hasard comme ça, quand ça devient deux fois, est-ce qu'il a un problème avec les contrats, Robert Kirkman ? Je sais pas du tout s'il y a un problème avec les contrats, puisque tu t'adresses à moi là-dessus. Je suis pas dans le secret des dieux. Je pense qu'on observe simplement une situation qui est typique d'une propriété intellectuelle qui rencontre à un moment donné un succès commercial. Il suffit de regarder un petit peu l'historique des séries télé, par exemple, ou de certains romans. Encore qu'un roman, généralement, il est écrit par une seule personne, mais on va avoir ce genre de personnes qui sortent du bois, qui vont estimer avoir été partie prenante de la création de l'œuvre. Et lui estimer devoir être rémunéré pour ça. Au-delà de ça, moi, tant que la justice n'est pas prononcée, entre guillemets, que toutes les informations ne sont pas à la disposition du public, c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il en est, quoi. Bon, le fait est qu'on est devant deux œuvres, là, qui, initialement, sont des petits comic books faits dans un petit studio par un scénariste, un dessinateur et puis un coloriste, et qui rencontrent un succès international. Donc, et d'ailleurs, c'est un problème qu'on retrouve chez les éditeurs majoritaires que sont Marvel et DC, et de plus en plus, quand on voit le succès de leur licence sur grand écran. Je sais que par exemple les gens qui sont à l'origine de la création de Yelena, la nouvelle Black Widow chez Marvel, avaient signé un contrat qui devait les couvrir beaucoup mieux que ce qu'ils ont fini par toucher. Je crois que Edmund Baker également sur le soldat d'hiver. Il a rien touché pratiquement sur l'invention du soldat d'hiver. Donc en fait, il y a vraiment un vide, un flou juridique sur la création de comic book et sur la paternité. C'est un petit peu différent quand on évoque effectivement Kirkman et les creator owned, donc les comics dont les droits appartiennent aux auteurs, et puis ce qui se passe dans le cadre de deux grands studios comme sont Marvel et DC, enfin, en l'occurrence Disney et Warner. Pour ce qui est de Andrew Baker, il faut quand même pas perdre de vue que toutes les personnes qui vont travailler sur des personnages préexistants signent des contrats, savent très bien qu'ils n'ont aucune paternité, quelle qu'elle soit, sur l'ensemble des travaux qu'ils vont effectuer. C'est un peu compliqué moralement de revenir après coup pour modifier les règles, quoi. L'exemple même de Tony Moore sur Walking Dead est à l'identique. Enfin, il y a un moment donné, Tony Moore a cédé les droits à Robert. Effectivement, quand le succès vient, on peut toujours venir vouloir changer les règles, mais faut pas oublier qu'à un moment donné, on a des actions et on a des conséquences à ces actions. Mais justement, Thierry Mornella, comme vous êtes tous connaisseurs de ce domaine, parce que ça fait des années que je lis ce genre d'histoire avec différents éditeurs, et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que lecteur, mais vraiment basique, parce que c'est bien beau d'aller voir les films, de parler des séries dérivées et tout ça, mais ça reste de la bande dessinée, c'est un art. Comment on fait en tant que lecteur pour soutenir l'auteur, dessinateur, coloriste, au jour le jour, pour soutenir la bande dessinée et ne pas juste en faire un produit dérivé qui passe à la télévision, au cinéma? On lit des comics indépendants dont les droits restent associés aux créateurs, et on va forcément aujourd'hui constamment voir les mêmes récits et adaptés au cinéma ou à la télévision de Batman, Spider-Man ou compagnie. Donc on cherche dans les librairies les créateurs indépendants qui font du comics. Oui, moi c'est ce que je défends au sein du catalogue que j'ai le plaisir d'animer depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, et je ne vais pas changer de credo pour ça. Arnaud Tomassini ? On se focalise sur les auteurs et les artistes plus que les personnages, en fait, parce que je suis pas aussi véhément que Thierry sur la question des super-héros, parce qu'on trouve aussi des bonnes histoires encore dans le super-héros, mais c'est vrai que c'est plus important de se focaliser sur qui l'a écrit et qui l'a dessiné, et ensuite d'aller voir ce que ces personnes-là ont fait ailleurs, parce que c'est en général quand même dans le créateur-owned, par contre, que là se feront les histoires avec les idées les plus folles, et et c'est vrai que c'est là qu'on va mieux soutenir les équipes créatives, et au-delà des librairies, on peut aussi aller dans les bibliothèques, tout simplement. Je pense qu'il y a plein, pour découvrir Invincible, par exemple, je pense qu'il y a plein de bibliothèques qui on dit oui, j'ai pas les sous, mais en France, on a des bibliothèques, des médiathèques. Très bien fournies, en plus. C'est que Walking Dead, j'ai découvert dans ma médiathèque à l'époque, quoi. Arnaud le Petit ? Non, exactement la même chose que Arnaud. Moi, pour le coup, Invincible, justement, et même ma plupart de la culture comique, justement, c'est faite grâce aux bibliothèques. Et pour ensuite soutenir les auteurs, ça vient aussi de la part des éditeurs et la façon dont ils traitent justement leurs auteurs. Chez Image Comics, typiquement, un auteur, lorsqu'il arrive avec sa création lui appartient. Après, comme on l'a vu avec Kirkman et les différents dessinateurs et les co-créateurs, il y a des histoires de droits qui se partagent entre eux, mais tous sont propriétaires véritablement de leur création et de leurs personnages. Là où chez Marvel et DC, ce sont des licences, des propriétés intellectuelles que des scénaristes se passent de l'un à l'autre, véritablement, mais sur lesquelles ils n'ont absolument aucun droit et aucun argent, enfin ils ne touchent aucun argent dessus. La différence entre un locataire et un propriétaire? Absolument. Alors revenons sur sur Invincible. J'aimerais savoir quel est votre personnage préféré, parce qu'il y a une galerie de personnages qui sont absolument fascinants. Il y en a plein. Donc je vais vous demander à tous les trois quel est votre personnage préféré. Thierry Mornay. Un seul, t'es sûr? Un seul. Obligatoire. Alien. L'alien. L'alien. Ah oui, extraordinaire. Et qui n'a qu'un œil. Voilà. Oui. Et qui gagne en volume de bras au fur et à mesure de le. Carrément, oui. Grâce à Ryan Otley. Oui, oui, c'est formidable. Il y en aura deux, parce que je vais tricher, il y en a deux. Il y en a un, c'est le fauve de combat, qui est une sorte de lion avec une grosse hache, dont le but c'est juste de se battre jusqu'à trouver un adversaire plus fort que lui, et qui fait vraiment que ça, se battre tout au long. Et Battle Beast, donc Beast, ouais. Après j'utilise la traduction d'Edmond Touriol. Et aussi Dinosaurus, qui est simplement un gros T-Rex hyper intelligent, et qui en fait a la solution pour sauver l'humanité de la destruction de la Terre, mais qui va devoir quand même tuer un certain nombre de personnes pour pouvoir sauver l'humanité. Qui est vraiment la démonstration de tout ce que le comics peut proposer en termes de non-manichéisme, en fait, dans comment on fait pour agir pour le plus grand bien, avec parfois des pots cassés. Thierry Mornay veut revenir sur Battle Beast, parce que je crois qu'il y a une surprise. Oui, c'est un petit scoop, mais c'est vrai que c'est paru hier, mais aujourd'hui Battle Beast devient un spin-off d'Invincible, c'est-à-dire qu'Invincible n'est pas totalement terminé. Il y a une série dérivée, un spin-off qui est en préparation et dont le prélude a été publié dans un numéro publié par l'éditeur Skybound hier, Skybound X numéro 25, et c'est superbement dessiné, on sent que Ryan Otley a encore passé un cap graphiquement, c'est sublime, c'est très très beau, la coloriste qui est associée justement à ce récit, c'est Annalisa Leoni, qu'on avait rencontrée sur Oblivion Song. Wong, une Italienne de très très grand talent, et vraiment ça donne très envie de voir la suite. Ouais. Et pour les auditeurs, pour imaginer Battle Beast, c'est une sorte de lion blanc avec des sortes de dread, avec des tresses comme ça, qui ne vit que pour le combat, mais à travers tout l'univers. Et voilà, il est juste, c'est de la classe, avec un peu de classe, et puis encore un petit peu de classe. Voilà, c'est un personnage, on le voit, on ne peut être que fan. Donc voilà, je comprends ce choix. Arnaud Petit. Alors moi, je vais pas du tout être original, je vais choisir Omni-Man, parce que en fait, justement, on nous le présente justement comme d'abord une figure héroïque, presque messianique, qui s'apparente à Superman. Puis ensuite, il bascule totalement, et au final, justement, comme l'a expliqué Arnaud, ça devient un personnage de plus en plus complexe en fait, et on se rend compte justement de ses motivations personnelles et aussi au sein de et on va en parler d'ailleurs, si jamais il y a des auditeurs qui sont suffisamment appâtés par Invincible. Allez-y, cette émission restera en podcast, donc allez les lire, allez regarder la série, et ensuite venez écouter la suite. Voilà, il y aura pas de problème, je préfère le dire, parce que si on veut parler du fond aussi de l'histoire, il va falloir divulgâcher quelque peu, donc alerte spoiler, voilà. Et Omni-Man, ouais. Et sinon, ensuite, un autre personnage que j'aime vraiment beaucoup, parce que pour le coup, il n'a quasiment pas tout de pouvoir. Tout le monde en donne deux, en fait. C'est vraiment mon petit bonus, mais c'est le personnage de Cecil Steadman, en fait, qui est en fait l'agent de liaison entre la version entre Nick Fury de exactement, qui est l'agent de liaison donc entre le gouvernement et Invincible, donc qui lui donne ses missions en fait pour aller sauver le monde. Et c'est un personnage extrêmement froid et glacial au début, et qui, même chose en fait, est toujours dans une zone d'ombre, véritablement dans les secrets du gouvernement, et c'est un des rares personnages humains avec la mère de Mark dans le comics, et donc c'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Bon, Thierry Mornay, vous avez droit à un deuxième personnage du coup. Ouais, non, je voudrais juste revenir sur l'histoire du dinosaure sur Dinosaurus, puisque ça me faisait penser à un autre personnage créé par Kirkman qui s'appelle Super Dinosaur. Oui, oui. C'était une série plus pour jeunes enfants, quoi, en fait, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un dessin animé également. Voilà, on sent que Kirkman aime visiblement les T-Rex parlants. Ouais. Mais d'ailleurs, il aime beaucoup cette dimension première de l'aventure, de l'escapade via l'imaginaire, parce que même sa série actuelle Firepower, qui est dessinée par l'excellent Chris Samnee, c'est tout aussi une invitation à l'aventure, ou presque à la dimension pulp des Doc Savage qu'on pouvait lire il y a des années. Ouais, tout à fait, mais ça fait partie de ce dont il s'est nourri. Mais faut pas oublier qu'effectivement Kirkman c'est un fils de Marvel en fait, et il a lu énormément de comics Marvel des années 60-70, et quand on connaît la production effectivement de Marvel, eh bien elle lorgnait du côté des comics d'horreur, des pulp, ce genre de choses. Il y a une série Doc Savage que tu évoquais chez Marvel à l'époque. On arrive bientôt dans la dernière partie de cette émission, mais avant cela, on écoute un super-héros bien français, M, dans ta radio. Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe dans ta radio. Dans ma voix tu scannes les moindres mystères de ce tube FM éphémère. Tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances. Et pour que les ondes de cette chanson se glissent dans ta maison. Je passe dans ta radio. Star Radio dans Blockbuster sur France Inter. Marc, j'aime ta mère, tu le sais, mais je l'aime comme un animal de compagnie. Un animal? C'est la seule solution. Ne me touche pas! Allons, calme-toi. Je vais pas me calmer! Tout ça, c'est de la folie! Tu crois que je vais vraiment accepter ça? Que je vais servir mes amis pour des extraterrestres qui viennent de je sais pas où? C'est chez moi, ici! Et mon peuple, c'est les humains! Nous avons une immense responsabilité envers Viltrum! J'en ai rien à foutre de Viltrum! Et j'en ai encore plus rien à foutre de vivre un million d'années! C'est ma planète! Et je te laisserai pas la réduire en cendres! Tu ne sais pas ce que tu dis. Et quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas t'interposer. Je sais très bien ce que je dis. Si c'est ça... Alors évidemment, là, il y a plein de gens qui disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'avais prévenu. Parce que on doit évidemment parler du style de Kirkman et de cette révélation qui est en fait un film par rapport à tous les sujets qui sont abordés dans Invincible. Le statut Viltrumite de Omni-Man et sa véritable mission sur Terre. Ceux qui ont lu Dragon Ball, le shonen Dragon Ball, Dragon Ball Z, ne seront pas forcément en territoire inconnu, parce que c'est peu ou prou la même chose. Mais c'est vrai que Invincible est traversé par les obsessions de Kirkman dans toutes ses œuvres, en fait. Oui, il y a des fils rouges, en fait, ou des thèmes en filigrane qui apparaissent à travers l'ensemble de son œuvre. Et beaucoup de choses, en dehors du fait que Invincible est une série de super-héros, donc elle est basée sur... C'est du soap-opéra, en fait, hein, d'accord, au départ. C'est la relation familiale. Mais la famille est toujours au cœur de ce que va écrire Kirkman, en fait. On évoquait Firepower en off, mais qui est une de ses dernières séries. Walking Dead, c'est la relation père-fils entre Rick et Carl. Là, on a sur la relation principalement entre Omni-Man et Mark Grayson. On retrouve cette filiation aussi dans une autre série qui s'appelle Furtif, qu'il avait créée avec Mark Silvestri, où un jeune homme, en fait, doit s'occuper de son père vieillissant, super-héros, atteint d'Alzheimer. Voilà, et on est sur des thématiques qui sont à la fois très dramatiques et qui continuent à jouer sur le lien. Je prends d'autres exemples comme Outcast ou Kyle Barnes, le personnage principal. Bah, c'est la relation avec sa fille qui est finalement au cœur du récit lui-même, alors que c'est un récit d'horreur. On a deux frangins dans Oblivion Song. Enfin, bref, quelque part toujours ces obsessions entre guillemets, ces obsessions sur la famille, sur le lien filiaux ou fraternel, en fait, ressortent systématiquement dans tout ce qu'il écrit, quoi. Avec une qualité de dialogue qui est indéniable. Arnold Petit, c'est vrai que cette révélation autour des Viltrumites et ces extraterrestres qui sont d'une violence mais qui est complètement décomplexée, c'est-à-dire que pour les amateurs par exemple de la série The Boys, il faut savoir que les Viltrumites commencent là où Homelander, le protecteur, termine. C'est des brutasses de folie. Il y a des scènes graphiquement très très très parlantes. Et il y a notamment un élément sur lequel j'aimerais vous interpeller, parce que Marc est un des rares personnages hommes, masculins, super-héros, à être victime de violences sexuelles d'une Viltrumite. Alors oui, et on parlait effectivement de la personnalité des Viltrumites et même de la planète Viltrum en général. C'est effectivement, en fait, c'est dans leur nature, ils l'expliquent, qu'ils sont naturellement violents et qu'ils doivent presque réfréner justement en fait ces pulsions qu'ils ont au quotidien, en fait. Et effectivement, ben Mark Grayson est peut-être le personnage qui va subir le plus de violences psychologiques, physiques, sexuelles aussi, de la part des Viltrumites et même pas que d'ailleurs, même de pas mal d'ennemis. Il reçoit beaucoup, beaucoup de coups, il perd beaucoup de sang, mais à chaque fois, il a toujours cette volonté de retourner se battre parce que ben il estime que c'est la seule chose à faire, que c'est la seule chose qui est juste en fait, et il veut se tenir à son credo de super-héros parce que lui croit vraiment qu'il peut se servir de ses pouvoirs pour faire le bien. Oui, il y a cette idée presque d'avoir un personnage aussi lumineux que Superman tel qu'il a été défini, mais qui serait plongé dans l'univers déconstruit des comic books plus sombres, plus violents, et finalement cette sorte de phare de lumière, ça finit par être payant. Il y a aussi une sorte de discours sur l'état de l'industrie du comic book actuellement. L'idée de toujours vouloir faire quelque chose de sombre, noir, ne plus être porteur d'espoir. Et ben Mark Grayson, il dit ben non. Même si on est dans un monde violent, même si je suis en face de monstres, je suis pas obligé de le devenir aussi. Ouais, sachant qu'il aura quand même parfois des décisions à prendre qui seront pas les plus lumineuses qui soient, mais c'est ce qu'on a déjà pu évoquer, c'est que c'est du comics de super-héros, et entre guillemets pour adultes, dans le sens, en fait, on réfléchit aux conséquences de ses actes, on réfléchit vraiment à ce qu'on peut faire avec des pouvoirs, et même sur la question des relations familiales, il y a aussi, une évolution de ces relations familiales, c'est-à-dire que, des enfants vont naître, des enfants vont disparaître, donc en fait, on est même sur plusieurs générations, en fait, de super-héros avec Invincible, et ça se voit particulièrement, dans le dernier acte de la série qui pourrait donner plein de pistes pour pouvoir continuer en fait la série même si elle a une fin à donner, mais c'est vraiment l'idée de, même pour le cas des violences sexuelles en fait, c'est renverser un trope, on s'en prend souvent au personnage féminin dans les comics. Alors il faut préciser ce que c'est un trope parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens c'est un réflexe en fait, c'est un cliché en fait narratif et en fait donc dites cliché. Voilà, pardon, ouais, c'est pardon pour les anglicismes à ceux qui nous écoutent. Mais voilà, c'est de casser en fait les clichés qui voient souvent des personnages féminins en fait se faire taper ou être agressés sexuellement pour servir de leitmotiv en fait, de motivation aux autres personnages après. Et là, en fait, il renverse la chose. La fameuse femme dans le frigo, pour faire référence à Green Lantern. Ouais. Et en fait, Kirkman renverse ça avec Mark Grayson, mais pas juste pour dire, regardez, on a fait ça au masculin, mais parce que ça a une vraie importance. Après, il y a des scènes où il en discute avec sa femme, où il explique pourquoi ça le bloque pour faire l'amour avec sa copine. Et parce que c'est aussi, voilà, c'est un comics où les gens font l'amour. En fait, ils ont des relations sexuelles aussi. Alors c'est jamais explicite, mais c'est quelque chose que tu vois pas dans les comics de super-héros. En général, tu vois parfois Batman et Catwoman qui se roulent une pelle sur un toit, mais DC ne veut pas qu'on les montre en train de faire autre chose. Et c'est bête peut-être, mais c'est aussi une différence en fait qui a son importance dans la façon dont on aborde Invincible de façon simplement un peu plus mature, à défaut de dire adulte. Et alors rapidement, il y a eu cette série dont la première saison a été diffusée sur Amazon Prime avec un casting de qualité en français mais aussi dans la version originale parce que il y a J.K. Simmons, John Hamm, Marshall Ali qui joue dedans. Qu'en avez-vous pensé, Arnold Petit? Alors j'ai pensé que c'était une excellente adaptation pour le coup et en plus un petit bijou d'animation dans son genre, mais pour ce que j'ai véritablement apprécié, c'est que non seulement les auteurs originaux, donc Robert Kirkman, Cory Walker, Ryan Otley sont impliqués dans la création et l'adaptation. Ils ont écrit ou participé effectivement au design de certains personnages et ils ont digéré. En fait, on sent qu'ils ont digéré en fait l'œuvre qu'ils ont créée depuis toutes ces années. Que ils n'hésitent pas maintenant à modifier certains éléments de l'histoire, en supprimer d'autres, en réunir d'autres pour augmenter le rythme, moderniser aussi certains personnages et même leur histoire de façon à la rendre beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus excitante aussi. Changer le sexe de certains personnages aussi, au passage, des absolument, fois. Absolument. Et corriger certains petits défauts qu'ils avaient, typiquement avec le meilleur ami de Mark, William, dont on apprend l'homosexualité immédiatement, en fait, dans la série animée, là où c'est quelque chose qui arrivait beaucoup, beaucoup plus tard dans les comics et qui était même un peu moqué, en fait, avec des blagues qui étaient presque homophobes, autant le dire tout de suite. Donc là, la série animée fait véritablement, ressemble en fait à une version améliorée en fait, du comics, et en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Thierry Mornay? Oui, c'est ce qu'on observe d'ailleurs aussi dans la manière dont s'est construite l'écriture de Walking Dead, la série télé, finalement. On part d'une même trame, on la rejoint d'ailleurs de temps en temps, mais on n'hésite pas à s'en éloigner, que ce soit avec des personnages qui disparaissent, qui ne sont pas forcément les mêmes que dans la série de comics. Et là, de la même manière, en fait, oui, on a une version qui a eu l'occasion d'être revisitée, dépoussiérée, et ça, c'est super. Merci beaucoup Thierry Mornay, Arnaud Tomassini, Arnold Petit. J'espère avoir donné envie aux auditeurs de lire Invincible, vraiment, vraiment, je vous conseille. Merci également à Marie Potier à la technique, aujourd'hui, et Benjamin Troncin au mixage. Je rappelle que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Mais attends, est-ce que Mark sait que son père est un meurtrier? Qu'est-ce qu'il va faire quand il l'apprendra? C'est inutile. Tu ne peux pas m'arrêter. Non, c'est vrai, je ne peux pas. Mais je peux continuer à faire ce que je fais depuis que j'ai appris que tu étais un enfoiré de menteur. Nous permettre de gagner du temps. On vous a déjà parlé de la Cité de la Peur, de Kaamelott, de H2G2. Il était temps de revenir à la source de tout ceci. Demain, les Monty Pythons seront dans Blockbuster. Et après le journal, on retrouve un monde nouveau avec Mathilde Serrel. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Frédéric. Ce soir, tenue incorrecte exigée dans un monde nouveau avec Aloïs Sauvage qui vient de publier un single pop féministe, Crop Top. Crop Top. Comme le t-shirt comme qui le t-shirt. Va au-dessus du ventre. Très bien, très bien. Eh bien écoutez, moi je vais écouter ça pour ma fille et avec beaucoup, beaucoup de délectation. Eh ben oui, et nous aussi. Elle va chanter aussi, oui. Peut-être. Peut-être. Faut écouter. Merci. France Inter.